Allá tú, tielos de mes os, le sang qui coule dans mes veines. Donnez-moi la vie. Yes, dada, you're lucky, mama.